Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et pour finir, François va nous parler de l'ocytocine. C'est l'hormone qui rend les hommes fidèles. Alors en fait, on attribue de nombreuses vertus à l'ocytocine. Cette hormone est produite par le cerveau. Elle contribuerait à l'attachement des parents pour l'enfant, à l'amour ou encore favoriserait les relations sociales. Et une nouvelle étude montre qu'elle a aussi tendance à rendre les hommes plus fidèles. Raconte-nous ça, François. Oui, alors c'est une nouvelle que j'ai trouvée un peu insolite. Oui. Mais l'ocytocine, une hormone bien connue pour son rôle dans l'attachement et la socialisation, favoriserait également la monogamie. Alors, ce phénomène bien particulier a déjà été observé chez le campagnol des champs. C'est un petit rongeur qui vit dans les champs et les prairies à végétation rase. Or, une étude allemande émanant de l'Université de Bonn démontre qu'il en serait de même chez l'espèce humaine. En fait, en introduction, je disais que cette hormone est produite par le cerveau. J'ai dit ça un petit peu globalement au pif, mais plus précisément, elle est produite où? Alors, cette hormone est fabriquée dans l'hypothalamus, une petite glande perdue au milieu du cerveau. Elle se situe à l'interface entre le système nerveux et le système endocrinien. Elle régule l'appétit et la sexualité et elle sécrète de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de l'attachement et de la socialisation. Alors, dans un couple, elle favorise le lien qui unit les deux protagonistes. Lors de l'accouchement, elle est produite en quantité massive par les deux parents. C'est ça qui est intéressant. Hein? Oui, effectivement, ce qui les lie à l'enfant qui vient de naître. Et elle joue d'autres rôles au quotidien en facilitant les relations sociales. On dit même qu'elle est testée comme traitement contre la timidité puisqu'elle favorise la confiance en soi et qu'elle donnerait même du courage. Mm-hmm. Chez le campagnol des champs, l'ocytocine contribue à la fidélité et à la solidité du couple. Des scientifiques allemands ont voulu savoir, s'il en était de même pour l'espèce humaine. Alors, ils ont donc avancé l'hypothèse suivante. Des hommes avec un taux élevé d'ocytocine, et donc plus sociable, auraient tendance à se rapprocher plus facilement d'une jolie femme. Les résultats leur ont donné partiellement raison. Ce fut le cas seulement pour les célibataires. Ah. Les hommes en couple, eux, ont préféré prendre leur distance. Tiens donc. Alors, comment ils ont fait pour démontrer ça? Alors, 57 volontaires de la gent masculine ont été recrutés pour l'expérience. Tous se sont déclarés hétérosexuels. Certains entretenaient une relation avec une femme, d'autres pas. Une partie des volontaires ont reçu une dose d'ocytocine par un spray nasal. Les autres ont inhalé un placebo. Mm-hmm. Alors, 45 minutes plus tard, une rencontre était organisée avec une jolie femme. Elle est venue se placer à 60 cm d'eux. Mm-hmm. Alors, ce détail a beaucoup d'importance parce que, en fait, de manière inconsciente, on établit avec les autres ce qu'on appelle une distance sociale. Ouais. Elle est idéale pour discuter ou marcher avec quelqu'un. Si on la transgresse et qu'on la réduit en entrant trop dans l'intimité de l'autre, un sentiment d'inconfort se fait sentir. Vrai, ouais. Je pense que tout le monde vit ça, là. Alors, ça c'est vrai, sauf bien entendu dans le cas d'un flirt ou encore d'une relation amoureuse où ce critère est revu à la baisse. Alors, si on revient à notre expérience, la distance sociale entre l'homme et la jolie femme a été franchie. Les deux sujets se sont retrouvés bien près. Uh-huh. Alors, les chercheurs ont observé que ça n'a dérangé ni les hommes du groupe de contrôle, ni les célibataires, ayant tous trouvé l'expérimentatrice attrayante ou attirante. Oui. Par contre, les hommes en couple sous ocytocine, qui trouvaient eux aussi la femme séduisante, ont avoué se sentir mal à l'aise dans cette situation et ont reculé de 10 à 15 cm en moyenne. Ah. C'est étonnant, hein? Oui, c'est ça, c'est curieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme déduction? C'est que l'hormone rend sociable, mais curieusement ne favorise pas le rapprochement entre les corps. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que concluent les chercheurs de cette expérience? Alors, pour les auteurs de ce travail, les hommes et les des champs mâles partagent donc un aspect en commun. L'ocytocine favorise chez eux le goût pour la monogamie. La tentation n'a pas eu d'emprise sur eux puisqu'ils ont fui. En plus d'être l'hormone de l'amour, de l'attachement et de la socialisation, elle devient maintenant l'hormone de la fidélité. Et si on creuse davantage, on peut se demander sur l'utilité d'un tel processus chez notre espèce. En fait, pourquoi a-t-on besoin d'entretenir la monogamie? Parce que ce n'est pas la règle absolue dans le monde animal. C'est un fait. Alors, les auteurs ont leur petite idée sur la chose. En restant fidèle à une femme, l'homme contribue à l'éducation et à la protection des enfants, ce qui leur confère plus de chances de survivre à un monde hostile. Ah. Alors, leurs travaux sont publiés dans la revue The Journal of Neuroscience. Eh bien, merci François. C'est drôle de voir comment nos comportements nous sont intimés par quelques petites molécules. Effectivement, on est beaucoup plus sous contrôle chimique qu'on le pense. Ouais. Alors, c'est à moi, effectivement, de... Alors, quant à toi, Valérie, tu nous parles d'une étude qui fait le point sur l'effet de la pleine lune sur la maladie mentale. Oui, c'est curieux, hein, comme l'émission tourne beaucoup sur la santé aujourd'hui. Oui, c'est un fait, et c'est un hasard. Oui, c'est ça. Donc, c'est une étude conduite par des chercheurs de l'Université de Montréal et qui vient de paraître dans la revue General Hospital Psychiatry. Et en fait, c'est parce qu'il y a des mythes voulant que les fous sortent les nuits de pleine lune, ou alors que la lune influence les accouchements, par exemple. Et il y a des mythes qui sont tenaces, et même dans le personnel hospitalier. Tout à fait. C'est ça qui est curieux. Donc, il y avait donc dans les hôpitaux du personnel hospitalier qui soutenait qu'il y avait plus d'attaques de panique les soirs de pleine lune. Donc, les gens arrivaient aux urgences en proie à la panique. Mm-hmm. Et c'est ce que les chercheurs ont voulu vérifier. Alors, pour ça, ils ont recensé les dossiers de 771 patients qui se sont présentés aux urgences en disant souffrir de douleurs thoraciques, parce que souvent, douleurs thoraciques, c'est lié à l'angoisse, à la panique. Uh-huh. Et d'ailleurs, ces patients-là ont reçu un diagnostic d'attaque de panique et de troubles de l'humeur. Alors, comme les chercheurs avaient les dossiers en main, ils ont pu voir à quelle date ces personnes ont eu leur attaque de panique et voir si ça correspond dès à la pleine lune. Oui, parce que ces dates de pleine lune-là sont très connues. Bah oui, c'est ça. Il y a des registres de ça. Oui. Et alors, il n'y a pas d'augmentation d'attaque de panique les soirs de pleine lune. En fait, même en étendant la période allant de trois jours avant la pleine lune à trois jours après la pleine lune, plus le jour de la pleine lune, donc sur une période de 7 jours, il n'y a pas d'augmentation d'affluence. Non, c'est ça, d'attaque de panique pour ces jours-là. Donc, tout ça, le mythe est donc déboulonné. En fait, ce sont des mythes urbains, quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que les auteurs veulent. Ils veulent déboulonner ce mythe parce que la croyance est répandue, comme je disais, à l'intérieur même du milieu hospitalier. Et ce que craignent les auteurs, c'est que une telle croyance fausse le jugement des médecins ou peut-être des autres personnels hospitaliers face à certains patients qui auraient peut-être des situations un peu critiques. Mais par contre, dans leur étude, les auteurs observent un phénomène. D'ailleurs, les auteurs disent aussi qu'en fait, la Lune, qu'elle soit pleine ou pas pleine, là, donc éclairée par le soleil ou pas, elle est toujours entière au-dessus de notre tête. C'est un fait. Il y a des marées tous les jours, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, il pourrait y avoir aussi des effets sur les attaques de panique tous les jours aussi. Tout à fait. Donc, mais par contre, dans leur étude, les auteurs ont quand même observé un effet saisonnier. Donc, parce qu'ils ont les dates, donc ils voyaient s'il y avait une corrélation avec les pleines lunes, ou s'il n'y en avait pas. Mais ils ont vu, par contre, qu'il y avait un effet saisonnier. Il y a plus d'attaques de panique au printemps et il y a une baisse à l'automne. Ah, et comment on explique ça? Ben, c'est ça, d'autant plus qu'a priori, on aurait pu penser le contraire à cause de la dépression saisonnière automnale qui s'installe chez certaines personnes. Mais les auteurs, c'est des hypothèses, ils préviennent qu'il peut y avoir un décalage entre les premiers effets de la dépression et le moment où réellement on va consulter. Donc, c'est cool quand même du temps, qu'on se dise, faut que je consulte. Donc, en fait, ils font l'hypothèse que peut-être les troubles anxieux peuvent apparaître à l'automne, sont peut-être exacerbés pendant l'hiver, comme ils disent, par le pelletage ou par cette nuit qui n'en finit plus ou cette froidure qui n'en finit plus, et finalement amener à la consultation au printemps. Mais ça reste une hypothèse. Et de toute façon, les attaques qui ont lieu au printemps, elles se déroulent pleine lune ou pas pleine lune. Est-ce qu'il y a une pleine lune aujourd'hui? Non, je crois pas. J'avoue que je ne regarde pas beaucoup s'il y a pleine lune ou pas pleine lune. Moi, je regarde seulement quand il y en a une et puis c'est ça. Alors, merci beaucoup Valérie pour cette information.